franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Son histoire a subjugué George Clooney, qui a décidé d'en faire un film. William Morgan, l'Americano, comme on l'a appelé à Cuba, l'un des trois seuls étrangers, avec l'Argentin Che Guevara et l'Espagnol Menoyo, à avoir été chef militaire des Barbudos de Fidel Castro lors de la conquête du pouvoir. Et il est vrai que la vie aventureuse et tragique de Morgan est assez extraordinaire. Mauvais garçon, séducteur impénitent, déserteur de l'armée américaine, trafiquant lié à la mafia, pourquoi a-t-il un beau jour de 1957 choisi de rejoindre les révolutionnaires cubains qui voulaient abattre le dictateur corrompu Batista? Pour étancher sa soif d'aventure, par romantisme, par idéalisme? En tout cas, une vraie métamorphose qui va le conduire à devenir l'un des commandants les plus audacieux de la guérilla cubaine, le Comandante Yankee. Mais n'a-t-il pas été aussi un agent double qui a flirté dangereusement avec la CIA pour mieux sauver le leader Maximo? Bref, le héros a-t-il failli? Dès lors, sa fin tragique était presque inéluctable, ne serait-ce que parce que la révolution mange trop souvent ses enfants. Un dernier mot avant d'écouter M. X. La vie de William Morgan fait l'objet d'un long article dans la dernière livraison de l'excellente revue Feuilleton. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 was the cost, it was to buy a cart and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck in the pillow beneath me head. Don't you know that Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Round the corner, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, I'm never to love again. All my money gone in vain. Matilda, she grabbed me money and run Venezuela. She's a grabber. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. For the last time, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Une observation d'abord. Posséder la nationalité états-unienne n'était guère un atout quand on voulait combattre dans les rangs castristes. Ouais, parce que les États-Unis étaient considérés comme l'ennemi numéro un des révolutionnaires cubains. Hein. Et depuis qu'ils avaient procédé à une sorte d'annexion de fait de l'île depuis la fin du XIXe siècle. Et parce qu'ils soutenaient à bout de bras le dictateur Batista, qui dirigeait Cuba en usant de violence et de corruption. Oui, en parfaite symbiose avec la mafia américaine. Oui, même s'il faut nuancer quelque peu. Car on verra aussi la CIA livrer ponctuellement des armes aux guerriers castristes. Enfin, n'allons pas trop vite. Et intéressons-nous, pour commencer, à la jeunesse de cet étonnant personnage, Alexander William Morgan. Cependant, il faut faire la part de la légende, d'autant que Morgan n'a pas été le dernier à raconter des bobards sur sa propre vie. Ah bon. Et d'où vient-il alors ? Il est né à la fin des années 20 à Toledo, état de l'Ohio, dans une bonne famille, ainsi qu'on a coutume de le dire. Son père, républicain convaincu, est directeur financier d'un fournisseur d'électricité et sa mère est une catholique plutôt dévote. À l'école, Morgan est considéré comme un sourdoué. Mais le gamin préfère la nature, les activités de scoutisme et les livres. Très imaginatif, il est toujours prêt à tenter des expériences et quelquefois au péril de sa vie. Un casse-cou. Hein. Si l'on veut, oui. Assez tôt, il confie à sa mère que s'il ne parvient pas à trouver sa place dans la société de sa ville natale, il partira à l'aventure autour du monde. À 15 ans, il fugue, une première fois, après avoir volé la voiture de son père. Placé dans un centre de rétention, il s'échappe. Son père le retrouve à Chicago, où il travaille dans un cirque. Et ce n'est qu'un début. Abandonnant l'école, il parcourt les États-Unis de long en large, souvent en passager clandestin dans les trains de marchandises. Oui, un hobo, comme on les appelle outre-Atlantique. Mmh. Et ses parents laissent faire ? Oh ben, ils se sont résignés. Morgan fait tous les métiers et commet de petits délits, des vols de voitures par exemple. Il est aussi arrêté pour port d'armes. Un mauvais sujet, donc. Alors, résolument antisocial. Pourtant, en août 1946, il choisit de s'engager dans l'armée. Convoqué pour un départ au Japon, il se rend en Californie. Mais avant de monter sur le bateau, il se marie sur un coup de tête avec une jeune fille qu'il vient juste de rencontrer dans un café et passe deux nuits avec elle, puis il part. Bref mariage. Qui sera d'ailleurs annulé un peu plus tard. Au Japon, nouvelle rencontre féminine. Mais la belle japonaise tombe enceinte. Quand elle accouche, Morgan, de peur de ne pouvoir obtenir une permission pour voir son enfant, déserte. Mais il ne tarde pas à être arrêté. Et là, il aggrave son cas et il s'échappera après avoir agressé un officier. Il est repris alors qu'il a rejoint sa japonaise. Ouais. Et il va payer tout ça très cher. Bah, naturellement. La cour martiale lui inflige 5 ans de prison. Il en profite pour se cultiver et apprendre le japonais. En 1950, il bénéficie d'une libération anticipée. On le retrouve alors en Floride où il travaille chez des forains comme cracheur de feu et lanceur de couteaux. Évidemment, il fait à nouveau une conquête féminine, se marie et il est bientôt père de 2 enfants. Toutefois, il ne tarde pas à retomber dans ses mauvais travers. Il fréquente des individus douteux et côtoie même le gangster Meyer Lansky. C'est un gros bonnet de la mafia. Et hein. Qui contrôle aussi des casinos à la Havane. Et c'est sans doute dans son entourage qu'il croise un certain Barton, un patron du crime organisé opérant à Toledo, sa ville natale. C'est intéressant. Parce que ce gangster serait aussi un fournisseur d'armes des rebelles cubains. C'est bizarre parce que les hommes de la mafia se trouvaient plutôt du côté de Batista. Hein. Bien entendu, mais certains ne voulaient peut-être pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ouais, pour préserver l'avenir. Bah, pourquoi pas. En tout cas, il s'agit là d'une sorte de premier contact de Morgan avec Cuba. Mais après son père, en 1955, le jeune homme aurait aussi rencontré Fidel Castro en Floride, alors que le futur leader Massimo essayait de convaincre des exilés cubains de participer à l'invasion qu'il était en train de mettre sur pied. Mais ça me paraît douteux. Est-ce que Morgan est mêlé à ce trafic d'armes organisé par le gangster Barton ? C'est probable. Et ça va vraisemblablement précipiter sa décision de partir pour Cuba et de prendre part à la lutte des rebelles. Est-ce une prise de conscience politique ? Je ne pense pas. Il faut plutôt y voir le désir de vivre une véritable aventure. Et peut-être aussi d'échapper à son existence hasardeuse de délinquant. Il a aussi été impressionné par la lecture d'un article paru au début 1957 dans le New York Times. Un reportage sur la vie des rebelles de la Sierra Maestra qui a fait sensation aux États-Unis. Il y a donc également une part de romantisme dans cette décision. Incontestablement. Il aurait aussi confié qu'il voulait venger l'un de ses amis, un trafiquant d'armes arrêté par la police de Batista, puis torturé et assassiné. Quoi qu'il en soit, Morgan abandonne femme et enfant à Toledo et embarque pour la Havane. A-t-il des contacts sur l'île ? Parce que J'imagine qu'on ne s'improvise pas maquisard, et puis les Barbudos, là, doivent se méfier. Certainement. Et même s'il arrive à les joindre, le fait qu'il soit citoyen américain ne doit pas prédisposer les rebelles à lui faire confiance. Ouais. Et chez lui, une grande naïveté, non ? Je suis d'accord. Alors, pour répondre précisément à votre question, oui, il a un contact. Mais heureusement pour lui, il rencontre d'abord un certain Rodriguez, un étudiant cubain qui, comme lui, veut aller combattre le régime de Batista. Mais pourquoi, heureusement ? Parce que Rodriguez lui apprend que son contact est en réalité un homme de Batista. Ah, il serait donc tombé dans un piège. Oui, et d'autre part, Rodriguez, toujours lui, l'informe de l'existence d'un second maquis rebelle. Ouais, autre que celui de la Sierra Maestra qui se trouve à l'extrémité orientale de l'île, donc très loin de la Havane. Ouais, ce deuxième front plus proche est situé dans le massif de l'Escambray, au centre du pays. C'est là où veut se rendre Rodriguez. Et Morgan va le suivre ? Ce n'est pas un voyage de tout repos, d'autant que les barrages de l'armée sont nombreux. Morgan, à chaque fois qu'il est interpellé, prétend être un homme d'affaires américain venu visiter des plantations de café. Mais ça passe ? Oui. Enfin, ils arrivent au pied de l'Escambray. Mais il leur faut encore grimper dans la montagne à la rencontre des rebelles. Ça, j'imagine que ce n'est pas sans risque. Évidemment. Hein. Et quand ils atteignent les premiers camps de la guérilla, ils se retrouvent en face de très jeunes hommes armés et hirsutes qui sont d'emblée hostiles. Pour eux, il est certain que Morgan est un agent de la CIA. Et d'après eux, ce n'est pas la première fois que des agents américains essaient d'infiltrer leur mouvement. Donc ça se présente assez mal pour Morgan. Mais finalement, Morgan est conduit devant le chef du groupe rebelle, Eloy Gutierrez Menoyo, un jeune Espagnol de 23 ans. Un personnage étonnant, issu d'une famille de républicains qui a combattu les troupes de Franco avant de rejoindre la résistance en France. Devant Menoyo, Morgan explique pourquoi il veut s'engager aux côtés de la rébellion. Il met surtout en avant le fait qu'il a reçu une formation militaire et pourrait donc former les maquisards qui, à première vue, ne lui semblent guère endurcis et prêts à combattre. Est-ce qu'il est entendu ? Pas trop, non. Le soir même, les Barbudos tiennent un conseil de guerre afin de décider si Morgan reste ou s'il doit repartir à la Havane. Mmh. Résultat ? Une majorité s'est prononcée contre Morgan. Toutefois, sans doute sous l'influence de Menoyo, le conseil a fini par accepter la présence de l'Américain. Non, sans l'avoir éprouvé. Et pardonnez-moi l'expression, mais les rebelles lui en ont fait baver pendant plusieurs jours. Mais physiquement ? Oui. Et à tel point que Morgan, qui était plutôt enveloppé, a tellement maigri qu'il en est devenu méconnaissable. La conséquence, c'est que les rebelles ont été impressionnés par son courage et son obstination. Et il n'a pas tardé à passer aux travaux pratiques en réussissant à déjouer, arme à la main, une attaque des soldats de Batista. Ouais. Bon, alors cette fois, il est définitivement admis. Bien sûr. Et un tout petit peu plus tard, au cours d'une nouvelle offensive de l'armée, Morgan tend une embuscade décisive. Les soldats battent en retraite, abandonnant une douzaine de morts et de nombreuses armes. Ça lui vaut, après avoir prêté serment, d'être chargé de la formation intensive aux techniques de combat. Puis il monte rapidement en grade. Et c'est dû non seulement à ses talents, mais à son amitié grandissante avec Menoyo, qui le traite en frère. Il a donc réussi son pari. Hein. Et c'est assez spectaculaire. Morgan commande d'abord une demi-douzaine d'hommes, puis une colonne plus importante avant de superviser plusieurs kilomètres carrés de territoire occupé par la rébellion. Mais c'est dans les combats qu'il bâtit sa réputation. Il emporte plusieurs succès et il est bientôt célèbre dans toute l'île. C'est si vrai qu'aux États-Unis, on commence à se poser des questions sur l'Americano. Qui ? La CIA. Un mot sur l'Espagnol Menoyo, le frère de combat de Morgan. Voici ce qu'écrit Le Monde au lendemain de sa mort en octobre 2012. Né à Madrid le 8 décembre 1934 dans une famille républicaine, Eloy Gutierrez Menoyo a 2 ans lorsqu'éclate la guerre civile espagnole. Son père, un médecin socialiste, s'engage dans l'armée républicaine comme son frère aîné, José Antonio, qui est tué lors d'une bataille près de Madrid. Après la défaite républicaine, la famille se réfugie en France où un autre de ses frères, Carlos, rejoint la résistance et participe à la libération de Paris. En 1945, la famille s'établit à Cuba. Après quelques années de répit, les frères Gutiérrez Menoyo reprennent les armes contre le dictateur Batista. Le 13 mars 1951, Carlos tente de s'emparer du palais présidentiel à la tête d'un petit commando pour exécuter le dictateur. L'assaut est repoussé et Carlos est tué. Quelques mois plus tard, Eloy forme le second front de l'armée rebelle avec l'Américain Morgan dans le massif de l'Escambray. Il porte de rudes coups aux troupes de Batista et facilite la progression des colonnes commandées par Fidel Castro et Che Guevara. Moins de 2 ans après l'entrée triomphale de l'armée rebelle à La Havane, Menoyo dénonce le virage pro-soviétique de Fidel Castro et s'exile à Miami. En décembre 1964, il débarque clandestinement à Cuba avec 3 exilés pour organiser une guérilla anticastriste dans les montagnes de l'Escambray. Moins d'un mois plus tard, il est arrêté et conduit devant Fidel Castro qui lui dit « Eloy, je savais que tu allais revenir, mais je savais aussi que j'allais te capturer. » À l'issue d'un procès expédié en une demi-heure, il est condamné à mort, puis sa peine est réduite à 30 ans de prison, dont il purgera 22 ans. Pourquoi la CIA s'intéresse-t-elle à Morgan ? Parce que c'est un Américain, bien sûr, et qu'il semble assez extravagant que ce Yankee ait pris une telle importance au sein d'un mouvement révolutionnaire plutôt hostile aux États-Unis. Un mouvement subversif, même. Par conséquent, l'agence états-unienne essaie d'en savoir plus. Des agents sont même envoyés à Toledo et sur l'île pour tenter de comprendre. En fait, derrière cette curiosité, il y a aussi une interrogation. Morgan ne serait-il pas un sous-marin d'un service concurrent ? Le FBI, par exemple ? Ou le crime organisé, mais on finira par reconnaître la simple vérité. C'est-à-dire que Morgan est parti à Cuba de sa propre initiative. Alors, bon, poursuivons son histoire. Au printemps 1958, Morgan tombe amoureux. C'est une guerrière, Olga Rodriguez. Fille de paysan, opposée à Batista, elle a gagné la Sierra peu de temps auparavant lorsque des agents de Batista sont venus l'arrêter. Olga est aussi la première femme à rejoindre les rebelles. Et disons-le tout de suite, c'est le début d'une grande histoire d'amour car ils ne se quitteront plus. Oui, chez le très volage Morgan, c'est étonnant. N'est-ce pas ? Après la victoire de la Révolution, ils se marieront et auront 2 enfants. La popularité de l'Americano a une contrepartie. C'est désormais un homme dont la tête a été mise à prix. 20 000 dollars, mort ou vif. Et il est vrai qu'il a échappé plusieurs fois à la mort. En septembre 1958, l'ambassade états-unienne de La Havane enverra un télégramme au FBI. Morgan est mort au cours d'un combat contre l'armée cubaine. Ouais, fausse nouvelle. Bien entendu. Mais pour preuve, les autorités cubaines diffusent la photo d'un corps ensanglanté. Dans les jours suivants, Morgan est obligé d'envoyer un message à sa mère pour la rassurer. En tout cas, ultime étape, Morgan est promu commandante, le titre le plus prestigieux dans l'armée rebelle. Ah, mais c'est pas mal pour un ancien mauvais garçon. Alors maintenant, voyons comment la situation évolue. Castro a une obsession. Il voudrait pouvoir diriger toutes les guérillas. Or, celle de la Sierra de l'Escambray, là, échappe à son autorité. C'est ça. Et ça l'agace. C'est pourquoi il prend une décision assez hasardeuse. Fin août 58, il envoie les colonnes de Cienfuegos et de Guevara, 230 hommes au total, en direction de l'Escambray, afin d'opérer une jonction avec les forces de Menoyo. Pour les contrôler. Mais pourquoi est-ce hasardeux ? Parce que pour réaliser cette opération, les rebelles vont entreprendre un long voyage où ils vont être à découvert. Il risque donc de devoir affronter l'armée de Batista, qui est 10 fois plus puissante. Et finalement, c'est un cyclone qui les sauvera. Mais quand ils arrivent enfin dans l'Escambray, 2 mois plus tard, Bah, ils sont dans un triste état. Oui, mais vivants. Oui, oui, la guérilla de l'Escambray rassemble désormais plus de 2000 hommes. Pour autant, ce n'est pas le grand amour entre les hommes de Menoyo et les nouveaux venus. Les tensions sont latentes. C'est particulièrement vrai dans les rapports qu'entretiennent les deux commandantes et étrangers, Morgane et Guevara. Et Guevara qui est argentin, il faut le rappeler. Oui, autant le premier est turbulent et plein d'entrain, autant l'autre est un intellectuel ascétique, toujours prêt à sortir son bréviaire marxiste-léniniste. Ouais, et parfois ça chauffe. En effet. Toutefois, après plusieurs jours de palabres, un accord opérationnel est conclu. Mais il demeure fragile. Cependant, l'heure n'est pas à la division, car on va passer au lancement de la seconde phase de la stratégie castriste. L'assaut contre les villes. Et ça commence en décembre 58. Le Che et ses hommes s'emparent de plusieurs bourgades de la province de Santa Clara, tandis que Morgane conquiert la cité industrielle de Cienfuegos, où il est acclamé. L'Americano est devenu un héros. Et il donne maintes interviews aux envoyés spéciaux des journaux américains. C'est à ce moment qu'à Washington, le vent semble tourner. C'est-à-dire au sein de l'administration républicaine. Oui, c'est Eisenhower qui est président. Oui, donc je vous le disais, certains commencent à se dire qu'il serait peut-être intelligent de rompre avec Batista et de soutenir les rebelles. Ne serait-ce que pour essayer d'inverser le rapport de force à l'intérieur de la guérilla. Oui, entre les durs, plutôt marxistes. Et les autres, tels Menoyo, qui ne sont pas du tout sur cette ligne. Alors, pour revenir à ce que vous disiez au début, là, y a-t-il eu réellement une aide apportée aux rebelles ? Oui, une aide matérielle. Mais il était bien tard, car les événements vont se précipiter. Dès le 2 janvier 1959, Menoyo et les hommes du second front, dont William Morgan, pénètrent dans la capitale. Et une nouvelle fois, l'Americano réalise combien il est populaire. Car dans les rues, on crie « Morgan, Morgan !» Puis les colonnes du Che et de Sinfuengo participent à leur tour à la prise de la Havane. Mais déjà, le poison de la division commence à produire ses effets. Expliquez. Il est clair que Guevara, sur ordre de Castro, tente de mettre les hommes du second front à l'écart. Et ça provoque une vive confrontation entre le Che et Morgan. Tous deux prêts à en découdre par les armes. Mais, heureusement, Menoyo s'interpose et évite le drame. Morgan racontera par la suite que le Che avait essayé de le faire assassiner. Vrai ? Je ne sais pas. Dans les jours qui suivent, ça ne s'arrange pas. Lors de la constitution du nouveau gouvernement, seule figure des fidèles de Castro. Et ça provoque de nouvelles et graves tensions. Enfin, passons. Moment important pour Morgan, devenu responsable de la ville de Cienfuegos, Fidel Castro s'y arrête lors de sa marche triomphale vers la Havane. Alors, comment ça se passe là, entre les deux barbudos là ? Apparemment, très bien. On se serre la main et on se félicite mutuellement. Mais selon certains, après cette entrevue, Fidel aurait exprimé son scepticisme et surtout son souhait de voir l'Américain rentrer au plus vite chez lui, quitte à rétribuer les services qu'il a rendus à la Révolution. Pourquoi une attitude aussi méprisante ? Castro devait sans aucun doute considérer que Morgan n'était qu'un aventurier, pas un authentique révolutionnaire. Et puis, il y avait sa nationalité. Ouais, le fait qu'il ait été américain. Naturellement, ça devait gêner Castro, et son extraordinaire popularité ajoutait à son trouble. Ah oui, parce que ça pouvait lui faire de l'ombre. À lui et à ses amis, et en premier lieu au Che. Quoi qu'il en soit, on observe dans les jours qui suivent un apaisement général entre les différentes factions. Tandis, il faut le noter, que Castro, dont le nouveau régime a été reconnu par Washington, affirme haut et fort son opposition au communisme et annonce l'organisation prochaine d'élections démocratiques. Mais en même temps, on observe que de nombreux opposants sont liquidés. On parle de 30 exécutions par jour. Oui, ça c'est peut-être un peu exagéré. En tout cas, Castro joue donc un double jeu. D'un côté, il rassure son puissant voisin nord-américain, et de l'autre, il sévit avec une grande brutalité. Oui, c'est exactement ça. Et bientôt, ce sont les éléments les plus vaillants dans les rangs de la Révolution qui vont tomber. Et parmi eux, bien sûr, les deux commandantes étrangers du second front, c'est-à-dire Morgan et Menoyo. Ils seront mêlés à un vrai faux complot ourdi par la CIA qui permettra à Castro de se débarrasser d'eux. Mais il est permis de se demander si Morgan n'a pas joué avec le feu. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Un peu de romantisme dans cette histoire qui sent la poudre et la trahison. Dans la revue Feuilleton, le journaliste David Gran raconte le mariage de Morgane avec Olga Rodriguez, sa guerrillera. Je cite. En novembre 1958, avant une attaque importante contre l'armée de Batista, Morgane et Rodriguez filèrent en douce dans une ferme des montagnes où ils avaient décidé de se marier. Ils portaient leur uniforme de rebelles qu'ils avaient lavé dans la rivière. Ils n'avaient pas de bague, si bien que Morgane cueillit une feuille à un arbre, en fit un cercle et la passa au doigt de Rodriguez en déclarant « Je jure de t'aimer et de t'honorer chaque jour de ma vie ». Rodriguez dit « Hasta que la muerte nos separe », jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après la cérémonie, Morgane récupéra son arme et repartit en combat. On a à peine eu le temps de s'embrasser, se souvient Rodriguez. Alors que les combats s'intensifiaient, elle sentit l'inquiétude la gagner. Pour lui tenir compagnie, Morgane lui avait donné un perroquet qui criait « William, et je t'aime ». Mais un beau jour, il s'envola pour ne plus jamais revenir. Alors, l'histoire de ce vrai faux complot en mars 1959, Morgane, qui séjourne temporairement dans un hôtel de la Havane avec son épouse, est approchée par un mystérieux Américain. Et qui est-ce là ? Un certain Leo Chern, un homme d'affaires qui s'occupe d'une association humanitaire d'aide aux réfugiés, voudrait rencontrer Castro. En fait, c'est un personnage proche des services de renseignement états-uniens. Morgane le sait ? En tout cas, il n'ignore pas qu'en ces premiers temps de la Révolution, la Havane pullule d'espions. Mais naturellement, convivial, il se raconte. Il confesse même le fait qu'il a inventé la fable de l'ami tué par Batista. Ah oui, cet ami qu'il aurait voulu venger. Ce qui lui a permis de rejoindre les rangs de la guérilla. Et il est décidément très bavard, hein, et même imprudent, non ? Bah, c'est l'impression qu'il donne à son compatriote, ou qu'il veut donner. Ah, ça, c'est une nuance importante. Oui, mais vous verrez pourquoi. Ce Chern adresse un rapport à ses supérieurs. Morgane est courageux. C'est un dur à cuire, un type éloquent, brillant. Mais c'est aussi un voyou. Point faible, il aurait peur de perdre sa nationalité états-unienne. Mais pourquoi ? Parce qu'il sait que lui et les hommes de l'Escambray ne sont plus en odeur de sainteté auprès des castristes. Et sa nationalité, alors, serait une sorte de garantie au cas où les choses tourneraient mal. Conclusion, Morgane pourrait donc être utilisé dans une opération anticastriste. Mais, semble-t-il, la CIA ne donne pas suite. Morgane est jugé trop imprévisible et surtout pas assez vénal. Cependant, l'Americano n'est pas oublié pour autant. En avril 59, un autre personnage rend visite à Morgane, un nommé Frank Nelson, un homme qui travaille pour la mafia. Ouais, ben, comme Morgane autrefois. Et cet homme lui fait miroiter le versement $1 million. Mais auparavant, Morgane doit rencontrer quelqu'un à Miami. Il mord à l'hameçon ? En juillet 1959, Morgane se rend effectivement à Miami et y rencontre d'abord le consul de la République dominicaine en poste en Floride. Mais quel rapport avec Cuba, là, sinon la proximité géographique ? Batista a trouvé refuge là-bas. Et le dictateur, Trujillo, a pris la tête d'une véritable conspiration anti-Castro. Mais deux autres hommes se présentent au rendez-vous. L'un, informateur du FBI, est l'ancien préfet de police de Batista. Et le deuxième n'est autre que l'ancien complice de Morgane, Dominique Bartone. L'homme de la mafia. Et que veulent ces trois hommes ? Ils désirent que Morgane rejoigne le camp anticastriste. Réaction de l'Americano ? Il donne son accord. Il ajoute même que son ami Menoyo suivra une ligne semblable. C'est donc une sorte de reniement. Attendez la suite. J'ajoute simplement que dans les services de renseignement états-uniens, on suit ça de très près. Morgane fait plusieurs allers-retours en Floride afin de rencontrer les conspirateurs. Fin juillet, il est même accompagné de sa femme, enceinte de 8 mois. Puis une nuit du début août, après avoir renvoyé son épouse à Cuba, Morgane s'embarque sur un bateau. Son but ? En pleine mer, il rejoint un yacht chargé d'armes qui accoste 2 jours plus tard dans le port de La Havane. Alors, c'est qu'il est donc décidé à passer à l'action. Là. C'est ce que pensent les conspirateurs et le FBI américain. On lui a même fourni une radio à ondes courtes pour correspondre avec les commanditaires de l'opération. Trujillo, donc. Oui, et les services états-uniens. C'est ainsi que Morgan peut les informer que l'action armée a commencé. Les rebelles anticastristes ont conquis Trinidad, au centre de l'île, coupant ainsi Cuba en deux. La preuve, c'est que lors des communications radio, on entend des crépitements d'armes automatiques et même des slogans anticastristes. Oui. Morgan s'adresse personnellement à Trujillo. « Nous avons pris Trinidad, alors ne nous oubliez pas. » C'est un appel à l'aide. Et au respect des accords passés. Et dès le lendemain, un C-46 chargé d'exilés en armes atterrit sur l'aéroport de Trinidad. Mais dès leur débarquement, ils sont cueillis par Castro en personne, entouré d'une petite armée. Ouais, c'était donc un piège. Un piège tendu par Morgan en plein accord avec Castro. En effet. Donc jamais l'Americano n'a eu l'intention de trahir. Ah, bien au contraire. Et avouez que la mystification a été bien conduite, à commencer par ces faux bruits de combat diffusés par radio. Et le leader Maximo peut, au cours de l'une de ses interminables allocutions, se féliciter d'avoir fait échouer ce premier grand complot contre-révolutionnaire. Et n'est pas inintéressant d'observer que Morgan, revêtu d'un uniforme impeccable, se tient derrière lui. Morgan, qui n'est donc pas en disgrâce. Hein. Comme il l'a fait croire au conspirateur. Ouais. Est-ce que pour autant, là, tous les nuages se sont dissipés entre lui et Castro, et plus généralement entre les hommes du second front hein, et les castristes purs et durs? Bah, écoutez, n'allons pas trop vite, car si réellement Morgan a recouvré la faveur de Fidel, qui lui a même accordé la citoyenneté cubaine, il n'en reste pas moins qu'il demeure surveillé par le G2, le nouveau service de renseignement du régime. Ouais, alors la méfiance n'est donc pas tout à fait retombée. En outre, il s'est fait beaucoup d'ennemis hors de Cuba, des gens qui sont bien décidés à se venger. Trujillo. Oui, qui a même mis sa tête à prix. Et surtout l'inamovible patron du FBI, Hoover. Donc, les coups tordus ne sont pas exclus. Et pratiquement, alors, que devient Morgan après cette aventure-là? Oh, tout à fait curieusement, il se passionne pour la réforme agraire. C'est-à-dire qu'il participe à l'expropriation des grandes latifundias et à la redistribution des terres. Il donne même l'exemple. Dans une région marécageuse de l'île, il crée un site d'élevage de grenouilles taureaux, une espèce dont la chair est tendre et dont la peau peut servir à fabriquer sacs et chaussures. Engageant plusieurs centaines de paysans, il se donne à fond. C'est une reconversion alors, pour le héros et l'aventurier. Et encore une fois, les médias américains s'intéressent à lui. Il a donc renoncé à l'action. Mais il continue avec son ami Menoyo à s'intéresser à l'évolution politique du régime. Et pour les deux hommes, ça ne va pas dans le bon sens. Mais expliquez-moi. Au cours de son premier voyage aux États-Unis, Fidel a eu beau dire qu'il n'était pas communiste, les faits s'inscrivent en faux contre cette déclaration. En outre, le régime se durcit. Les frères Castro accaparent tous les leviers du pouvoir. Et ça se gâte pour les anciens et fidèles compagnons de Castro qui osent protester contre le rapprochement de plus en plus évident avec l'URSS. Rappelez-vous, l'un des plus célèbres Barbudos, Camilo Cienfuegos, trouve la mort dans un accident d'avion très suspect. Puis, à l'automne 59, un des leaders historiques de la Révolution, Hubert Matos, fait l'objet d'un véritable procès soviétique et il est condamné à 30 ans de prison. Morgan lui-même, se sent-il menacé? Non, il veut continuer à croire que Castro va ouvrir les yeux sur la mainmise progressive des communistes sur le pouvoir. Il lui fait même savoir qu'il est prêt à lui donner un coup de main, s'il fait appel à lui. C'est encore de la naïveté, ça. Probablement. Toutefois, il commence à prendre des précautions. Son appartement est protégé par une douzaine de gardes du corps. Mais n'y a-t-il pas parmi eux des taupes des services cubains? Ça me paraît vraisemblable, non? Très certainement. Mais Morgan ne semble pas s'en rendre compte, vraiment. Il multiplie même les imprudences. Mais par exemple? Un jour, apprenant l'arrestation de l'un de ses fidèles amis, devenu un opposant au régime, il s'entremet et parvient à le faire libérer. Plus dangereusement, quand il apprend que certains de ses anciens compagnons commencent à regagner la Sierra de l'Escambray pour prendre les armes contre le régime, Morgan les aide discrètement. Et en même temps, il exprime de plus en plus ouvertement son désaccord avec la politique menée par le pouvoir. Mais il court à sa perte, non? C'est évident. À la mi-octobre 1960, Castro ordonne une vaste et brutale offensive contre les nouveaux rebelles de l'Escambray. 700 personnes sont fusillées, sans jugement et en quelques mois. Et pratiquement en même temps, Morgan est convoqué pour un entretien dans les bureaux de l'Institut pour la réforme agraire. Mais c'est un piège. Il est aussitôt embarqué au QG du G2, le service de renseignement. Là, avant d'être transféré en prison, il est placé à l'isolement durant près d'un mois. Et son épouse ne parviendra à le voir que le 31 décembre. D'ailleurs, elle-même est ensuite assignée à résidence. Ouais. Alors, que peut-il faire ? Tenter de s'évader et fuir l'île, comme son ami Menoyo, qui a pris la poudre d'escampette à bord d'un bateau de pêche. Mais il échoue. En mars 61, Morgan est jugé devant une cour martiale avec 11 autres révolutionnaires. Tous accusés de conspiration et de trahison. L'Americano serait un agent secret états-unien qui, en 1960, pour le compte de la CIA, aurait essayé de monter un groupe de contre-révolutionnaires dans l'Escambray. Existe-t-il des preuves ? Dans ce genre de procès, on n'en a pas besoin, puisque les inculpés sont déclarés coupables avant même d'être jugés. Et au terme d'une audience qui n'aura duré qu'une seule journée, Morgan est condamné à mort. Avant son exécution par balle, le lendemain, il donne une nouvelle preuve de son audace. Il refuse de s'agenouiller et on a dû lui tirer une balle dans chaque genou avant de l'achever. C'est atroce. Et encore plus atroce dans l'histoire de Morgan. Quelques mois avant le procès, sur ordre de Washington, Philippe Bonzal, ambassadeur états-unien à La Havane, a rencontré les autorités cubaines. Castro ? Non, plutôt le président. À qui il a confié qu'un attentat était en préparation contre la personne du chef de la révolution. Et il disait vrai, car la CIA envisageait déjà de tuer Castro. Mais bien sûr, l'ambassadeur n'a pas désigné la CIA. Non, selon lui, l'instigateur du complot était un certain commandant William Morgan, un ancien compagnon de Castro dans la Sierra. Alors ce sont donc les Américains qui ont conduit Morgan à la mort. Oui. Ainsi, il se vengeait de l'affront subi quelques mois plus tôt. Et en même temps, en donnant à Castro ce prétexte pour se débarrasser de Morgan, ils ont aussi montré qu'ils n'entendaient pas couper définitivement les ponts avec le nouveau leader de Cuba. Un fusil à deux coups, en somme. Mais seule la balle qui a tué Morgan est sortie du canon. À noter, vous pourrez le lire dans la revue Feuilleton, que sa femme, mise en prison, n'a cessé de se battre pour obtenir la réhabilitation de son héros de mari. Une lecture pour finir. Puisque la transparence est à l'ordre du jour, je vous recommande le livre de Magali Serre, Les Wildenstein, une enquête serrée sur cette richissime famille de collectionneurs et de marchands d'art qui est aujourd'hui l'une des cibles de Bercy. Une histoire de trafic de tableaux, de fausses et vraies expertises, de captation d'héritage et bien sûr de paradis fiscaux. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez obtenir des informations sur cette émission et sur les disques qu'a passé M. Djoub. Rebecca de Nantes l'a préparé, Fabrice Laigle l'a mise en onde. Et tout de suite après le flash, au De mon amour de Denis Chessou.